Chapitre 57. Pierrat et Servaz franchirent la Seine sur le pont de Tancarville aux environs de midi et demi, déjeunèrent en vitesse dans un restaurant proche d'Angerville-l'Orcher. Une ancienne ferme à colombage typique de l'architecture normande, une grande cheminée, des solives au plafond, un menu à 29 euros comprenant entrée, plat et assiette de trois fromages. La salle était bondée, Pierrat dévora. Servaz toucha à peine à son assiette. Le temps s'était de nouveau gâté après Rouen, et une pluie diluvienne se mit à tomber derrière les petits carreaux sertis de plomb. Ils pénétrèrent dans Étretat vers 13h40. La tempête faisait rage sur la mer. Les falaises de craie étaient à peine visibles. Servaz n'était pas venu ici depuis plus de 20 ans. L'espace d'un instant, il ne put s'empêcher de songer à Maurice Leblanc et à son aiguille creuse. « Tu as vu la série Lupin ?» dit Pierrat. « La quoi ?»« Laisse tomber. » Le ciel était si noir qu'on se serait cru à la tombée de la nuit. Des éclairs géants le flagellaient, tel un pénitent son dos meurtri. Dans les rues de la petite cité balnéaire, ils aperçurent des écriteaux avec le mot « tournage » surmontant une flèche et ils n'eurent qu'à suivre. « Tu savais que Pete Doherty vit ici ?» dit Pierrat. « Qui ?»« Laisse tomber. » Ils suivirent l'avenue Jacques Offenbach qui descend vers le centre-ville et la mer. Derrière les murets de pierre et de hautes et épaisses haies, se dissimulaient des villas qui remontaient au temps où la Normandie était la villégiature préférée de la bourgeoisie parisienne, où les rues et la plage d'Étretat se peuplaient de canotiers et d'ombrelles. Ils tournèrent dans l'avenue Ningesser et Colly, se haussèrent au-dessus de la ville par l'avenue d'Amy-la-Ville jusqu'à la chapelle Notre-Dame-de-la-Garde qui perçait le ciel torturé. Un dernier écriteau au sommet leur indiqua que le tournage avait lieu sur les falaises et que l'accès à celle-ci était momentanément interdit. Quand ils descendirent de voiture, Servaz fut happé par le panorama malgré le temps épouvantable. Au pied de la chapelle de pierre brute se déployait le croissant de la plage et les toits serrés de la petite ville jusqu'à l'autre falaise, celle d'Aval, et la célèbre aiguille de roche qui a inspiré Maurice Leblanc. Les éclairs et l'orage sublimaient ce décor tout en noir et gris, en lignes verticales et horizontales, et Servaz pensa à une gravure de Gustave Doré illustrant la Divine Comédie. Devant la chapelle, le terrain était marécageux. Servaz distingua le halo des projecteurs un peu plus loin. Ils s'avancèrent vers un groupe de personnes à quelques dizaines de mètres de là. Un assistant vint à leur rencontre sous un parapluie qui portait le logo d'une société de production, la main en avant pour leur interdire le passage. « Vous ne pouvez pas aller plus loin » déclara-t-il. « On est en train de tourner. »« Pousse-toi » dit Pierrat en dégainant sa carte de police. L'assistant eut l'air choqué. Servaz sentait l'eau lui dégouliner dans le col. Il vit des câbles électriques qui couraient comme des serpents dans la boue, entre les flaques, des raies argentées de pluie dans la lumière drue des projecteurs, des gens sous des parapluies crépitants, et il se demanda comment, par un temps pareil, tout cela était sécurisé. Mais, après tout, d'innombrables scènes de films étaient tournées sous des déluges naturels ou artificiels. Au-delà du premier groupe, un deuxième se tenait au bord de la falaise. Un caméraman, équipé d'une steadicam, se penchait au-dessus du vide, accompagné d'un homme qui faisait de grands gestes et du preneur de son, tandis que des sortes de zombies en costume d'époque s'avançaient lentement vers le bord. En retrait de plusieurs mètres, un jeune type à lunettes, coiffé d'un casque à écouteurs posé sur une casquette à la visière en arrière, contrôlait la scène à distance sur son combo. En voyant approcher les deux hommes, il gueula « Coupez !» retira ses écouteurs et se leva de son siège pliant. « Vous êtes qui, putain? Qu'est-ce que vous foutez ici, bordel? On tourne ?»« Police judiciaire, » dit Pierrat. « On vient voir Monsieur Schenkel. »« Quoi? Non mais vous vous foutez de ma gueule! On est en train de bosser, là !»« On a quelques questions à lui poser, » insista Pierrat en échangeant un regard avec Servaz, qui s'éloigna discrètement. « Ce ne sera pas long, » Ou peut-être que si. » Le Réal parut au bord de la crise de nerfs. « Ils sont dingues ! Mais ils sont dingues ! Qui a laissé entrer ces abrutis ? Fred, appelle-moi la régie tout de suite. Je veux qu'on me vire ces deux cons de mon plateau. Vous avez un mandat de perquisition ?» Servaz entendit Pierrat déclarer calmement dans son dos « Pas la peine de s'énerver comme ça, c'est mauvais pour le cœur. On ne dit pas « mandat de perquisition ». On n'est pas au cinéma. Enfin, peut-être que si. » Servaz s'approcha du caméraman. Il ne voyait pas ce que celui-ci filmait. C'était en partie caché par le bord de la falaise. Il voyait seulement les trois zombies en costume d'époque qui regardaient vers le bas, eux aussi, avec des gestes saccadés et grotesques de morts-vivants. Au pied de l'Apic, la mer grondait. Les vagues explosaient sur les rochers en maelstrom de vent et d'écume qui faisaient trembler l'air comme si on assistait à la fin du monde. Il s'avança encore, se faufilant entre les zombies, vit enfin l'acteur qui était en dessous, debout sur un épaulement rocheux, sécurisé par un harnais dont Servaz supposa qu'il serait effacé en post-prod. Il ne connaissait pas grand-chose à la magie moderne du cinéma. À l'image des zombies, l'acteur était habillé à la mode des bourgeois du XIXe siècle, et Servaz mit quelques instants à reconnaître la photo aperçue sur Internet. Il se rappela le titre du film « Madame Bovary et les vampires ». L'acteur avait aussi en main un pistolet d'époque, certainement factice. « Ezra Schenkel ?» lança le flic toulousain. « À votre avis, et vous, vous êtes qui ? Qui vous a fait ce maquillage ? C'est drôlement réaliste !»« Commandant Servaz, police judiciaire, j'ai besoin de vous parler. »« Quoi ? Maintenant ? Il y en a pour 2 minutes. »« Foutez le camp !» répliqua Schenkel en essuyant la pluie qui lui coulait sur le visage. « Dégagez-moi ce type !» Son maquillage devait être waterproof. Il portait une perruque qui paraissait tellement postiche que Servaz se demanda comment elle pourrait faire illusion sur grand écran. Les zombies hésitaient sur la conduite à tenir. D'un côté, l'intrus était de la police, de l'autre, la star du film voulait qu'on le vire. Servaz se mit à 4 pattes pour se rapprocher de l'acteur et lui coller un cliché sous le nez. « Vous reconnaissez cette personne ?»« Jamais vu. »« Pourtant, vous lui avez parlé à la fête vendredi soir, celle de Barneville. » Vous l'avez même entraîné dans une pièce à l'écart. » Schenkel plissa les paupières, examina la photo. « Ah oui, le producteur bidon, Vincent de Dangerous Zone Production !» gloussa-t-il. « Alors comme ça, c'était un flic. » « C'était en effet, » dit Servaz d'un ton sinistre. « Et c'était aussi mon collègue et mon ami. Il a été assassiné. Et avant ça, il a été torturé. » Servaz sortit son téléphone, un cliché de Vincent dans la fosse. Il l'agrandit. Schenkel eut un mouvement de recul. « Oh putain !» s'exclama l'acteur en détournant le regard. « C'est atroce !» Servaz se pencha un peu plus. « Qu'est-ce que vous vous êtes dit l'autre soir ? » insista-t-il. Il entendit le réalisateur gueuler derrière lui. « Virez-moi ce con de là !» jeta un coup d'œil en arrière. Pierrat, en lui tenant fermement le bras, bloquait le réalisateur Furax qui l'insultait. Quelqu'un téléphonait affolé. « Rien d'important !» balbutia Schenkel. « Je lui ai dit qu'il n'était pas producteur, je l'ai chambré, c'est tout !»« Merde ! Qui lui a fait ça ?»« Mon collègue a disparu la même nuit. »« Vous l'avez suivi dehors ?»« Hein ? Non, qu'est-ce que vous allez imaginer ? On est parti pour une autre fête avec quelques amis. » « Je lui ai proposé de nous accompagner, mais il a refusé. J'ai des témoins. »« Vraiment ?»« Je sais ce qui s'est passé sur le tournage d'Orpheus au Mexique, Schenkel, » lança Martin froidement. L'acteur ouvrit des yeux semblables à des billes. Il avait l'air affolé. « Quoi ? Attendez, attendez ! Je n'ai rien à voir avec la mort de votre collègue, moi ! Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je vous jure !»« Je suis au courant pour les viols et les agressions sexuelles. » poursuivit Servaz avec la voix d'un inquisiteur s'apprêtant à soumettre un hérétique à la question. Il vit l'acteur se décomposer. « De quoi vous parlez ? Vous ne savez rien ?»« Alors expliquez-moi. » Schenkel avait l'air terrifié à présent. Il hésita, secoua la tête. « Je ne veux pas foutre ma carrière en l'air, » dit-il. « Si je vous parle de ça, je suis mort en tant qu'acteur. » « Ça restera entre nous, vous avez ma parole, » mentit le flic. « Et si vous ne parlez pas, c'est la garde à vue directe. La presse, les fuites, les rumeurs et tout ce qui s'ensuit. » Il vit le regard de l'acteur vaciller, la panique prendre le dessus. « D'accord, d'accord. Mais laissez-moi remonter et me sécher, ok ?» Servaz eut un signe d'assentiment. Il recula. Aussitôt, les zombies et plusieurs techniciens se précipitèrent pour aider Ezra Schrenkel à se hisser au sommet de la falaise, tandis que l'un d'eux tirait sur le câble de sécurité. Quelqu'un apporta des serviettes. L'acteur éternua, se moucha dans l'une d'elles, sécha sa figure ruisselante avec une autre, puis se débarrassa du harnais en quelques gestes. « Ezra, ça va ?» lança le réalisateur. « C'est bon, Jacques. Tout va bien. » Il entraîna Servaz à l'écart, vers une série de sièges abrités sous des parasols que le vent malmenait. La pluie oblique les trempait, mais il ne parut pas s'en apercevoir. Ses vêtements étaient tout aussi imbibés que les sièges. « Alors, Orpheus, ça vous dit quelque chose ?» demanda Servaz en se laissant tomber sur le siège voisin. « Ou peut-être que le nom de Delacroix va vous rafraîchir la mémoire ?» Il ne s'est rien passé sur le tournage d'Orpheus, se défendit l'acteur en jetant un coup d'œil prudent alentour. Vous n'y êtes pas du tout. Ne me prenez pas pour un imbécile. C'est la vérité. Écoutez-moi, c'était mon premier film, je n'avais même pas 20 ans, mais j'ai entendu des bruits à l'époque. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas sur les tournages que ça se passait. Quoi? Écoutez, on ne peut pas parler de ça ici. Il y a un café en bas, le Bussy. Là, on sera plus tranquille.